diamant de baiser sur tes lèvres. Elle te rendrait la vie que tu lui vends du rêve. Tout le bien dans cette capacité à tout te pardonner sans compter. Elle s'est à t'aimer de tout son cœur, sans qu'une seule fois ça ne t'effleure.